L'œuvre d'André Leroy-Gourhan a laissé une forte empreinte dans l'univers de l'archéologie et de l'anthropologie culturelle. Un véritable courant que l'on appelle l'école Leroy-Gourhan, au sein de laquelle nombre de chercheurs perpétuent toujours ses travaux, parfois dans le culte du grand homme, le patron, comme il le dénommait. Voici peu, d'ailleurs, une grosse et pointilleuse biographie lui était consacrée, mais là n'est pas notre sujet. Si ses travaux autour de l'art des grottes ornées, l'art pariétal, mais aussi ses fouilles préhistoriques ont fait sa renommée internationale, ses recherches sur les techniques, mieux la technologie, comme ses travaux dans le Pacifique Nord, sont bien moins perçus. Ils constituent pourtant une part capitale de son œuvre. Entre Homo Faber et Homo Sapiens, André Leroy-Gourhan, inventeur de la technologie, sera ce soir notre fil conducteur avec Nathan Schlanger. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Tout à la fois préhistorien et historien des sciences, vous êtes professeur d'archéologie à l'École nationale des Chartes. Après deux ouvrages consacrés à Marcel Mauss, vous publiez aujourd'hui « L'invention de la technologie, une histoire intellectuelle » avec André Leroy-Gourhan aux Presses universitaires de France. Nathan Schlanger, votre livre est une somme, une véritable réflexion sur les recherches d'André Leroy-Gourhan, un travail de chartiste de la préhistoire, en quelque sorte. Dans cette quête, à quel document avez-vous eu accès ? Comme la plupart des recherches historiennes, je me suis tourné vers une gamme de sources possibles. La plus importante et intéressante dans notre cas, ce sont les archives. En effet, Leroy-Gourhan a laissé une gamme d'archives à la fois personnelles et institutionnelles assez impressionnante. Pas très grande en quantité, mais extrêmement intéressante en qualité. Ces archives se trouvent au Musée de l'Homme pour la plupart, Musée de l'Homme et Musée du Quai Branly à sa suite, au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Collège de France, au CNRS, et surtout à la Maison des Sciences de l'Homme-Monde à Nanterre, qui s'appelait dans le temps la Maison de l'Archéologie et Ethnologie, où sont déposés l'essentiel de ces archives. Leroy-Gourhan a cette particularité d'avoir été un chercheur extrêmement retentif, qui gardait l'essentiel des documents qu'il produisait, la correspondance, les brouillons, les jeux d'épreuves de publication. Et toute cette masse d'informations nous permet de reconstruire les processus de réflexion, la génétique textuelle en quelque sorte, l'acheminement de sa pensée vers les publications. Par ailleurs, il a publié donc une douzaine de livres, plus de 150 articles de fond. Et évidemment, la troisième source qui est utilisée pour l'historien, c'est les différents commentaires de ses correspondants, des auteurs qui l'ont lu et qui ont réagi à ses écrits. Avant de brasser idées et concepts, retrouvons André Leroy-Gourhan lui-même dans une interview quelque peu datée. S'il est un point sur lequel aucune illusion n'est possible, c'est bien celui de la mort des peuples. Il suffirait de faire un bilan rapide pour l'Occident depuis l'Antiquité, ou simplement de compter les centaines de peuples qui sont morts depuis la fin du Moyen Âge. Cette mort n'implique pas forcément celle des individus, ni celle de toutes les traditions, car des portions importantes survivent, mais elle implique la dissociation définitive de tout l'ensemble des traditions religieuses, sociales, esthétiques et même techniques qui forment la personnalité du peuple. Les épisodes de cette mort sont pratiquement toujours les mêmes. Le peuple succombe à la pression d'un groupe en pleine vitalité. Il est appelé à faire les frais économiques de cette curieuse association qu'on nomme une civilisation. Et toute la gamme des degrés d'appropriation s'offre à lui. L'intégration dans le territoire du vainqueur, la colonisation ou le régime des zones d'influence. On peut se demander s'il y a chez les peuples des états comparables à ce qu'on nomme maladie chez les individus. Je crois que sans hésiter, on peut répondre par l'affirmative. Si l'on considère l'équilibre comme l'état normal, on constate qu'il tient toujours à une certaine harmonie des échanges entre tous les secteurs de la tradition. Si l'on considère le progrès des techniques, du bien-être matériel, comme le signe d'une bonne santé chez les peuples, on constate que le progrès technique s'accompagne toujours d'une activité équilibrée dans les autres domaines, politique, société, religion, esthétique, fleurissent aux périodes de prospérité technique. À l'inverse, lorsqu'un peuple fait de la température, C'est le thermomètre technique qui accuse son déséquilibre. Nous ne saurions analyser tous les domaines. Et c'est l'état technique qui peut nous guider rapidement dans la pathologie des peuples. Un premier type est celui des peuples frappés de stagnation technique. Les exemples sont nombreux de groupes humains, parfois très importants, qui traversent de longues périodes où leur culture matérielle ne fait que des progrès insignifiants. Il y a plusieurs causes à cet état qui les mettent en infériorité par rapport au mouvement général. La première cause de stagnation tient à la cristallisation du milieu mental. Quelques groupes, très rares, comme les indigènes d'Australie, paraissent sclérosés. Ils ont vécu jusqu'à nos jours l'âge de la pierre et ils s'éteignent sans espoir d'amélioration de leur culture propre. Cela ne veut pas dire que les individus soient totalement incapables d'adaptation, mais la communauté, elle, a une structure inadaptative. Elle se disloque plutôt que d'évoluer. La mort des sociétés, Nathan Schlanger, qu'en pensez-vous? Peut-être faut-il remettre cette interview dans son contexte historique. L'année 1948, une archive issue d'heures de culture française est conservée bien sûr par l'INA, qui est très datée. Oui, absolument. C'est une prononciation tout à fait étonnante de la part de Leroy Gourhan, même si le contexte, vous avez raison, est compréhensible. Leroy Gourhan est alors professeur d'ethnologie coloniale à Lyon, depuis juin 44 jusqu'en 1956. Donc il forme des administrateurs de colonies. Il forme des administrateurs de colonies et il prend sur lui cette charge de faire comprendre l'indigène pour l'accompagner. En même temps, il pousse à l'extrême vraiment la métaphore organique médicale en personnalisant les sociétés, les peuples, en concevant des conceptions de maladies plus ou moins réparables, plus ou moins comparables à d'autres états des sociétés. Et surtout, en filigrane, il met en avant la technique et l'étude des techniques comme un moyen possible d'apporter un salut, d'apporter un remède à l'état social qui est, comme on le sait, et comme Leroy Gourhan ne le dit pas de toutes lettres, une des conséquences de la présence coloniale. Leroy Gourhan est un de nos grands penseurs. N'est-il pas tout d'abord un autodidacte ? Absolument. Il est autodidacte parce que il a quitté donc l'école comme beaucoup de jeunes de sa génération à 14 ans pour commencer à travailler et il se forme lui-même à l'histoire naturelle. Il se forme ensuite, il fait des rencontres avec des Russes, des émigrés russes blancs. Il apprend le russe, le chinois et donc il se forme une palette très large de différents domaines dans lesquels il va s'intéresser. Là où son autodidactie se manifeste le plus, c'est dans son refus d'être adhésion disciplinaire. Leroy Gourhan ne donne pas de référence bibliographique parce qu'il n'a pas de référence conceptuelle. Il se permet de passer d'un champ à un autre et cette liberté, ce vagabondage est à la fois extrêmement productif et aussi apporte avec lui diverses contraintes. Oui, c'est étonnant, ces livres n'ont pas de référence. Je pense bien sûr à Milieu et Technique, par exemple, où il compare des objets issus de cultures très différentes. Il est formé à la sociologie comparée par Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, neveu bien sûr de Durkheim, et cela même si Leroy Gourhan et Mauss seront dans une sorte de rupture. Tout à fait. Donc, Leroy Gourhan est amené au banc de l'Institut d'ethnologie donc, que crée Marcel Mauss avec Paul Rivet et Lucien Lévy-Brull au début des années 30. Il suit les cours de Mauss en ne comprenant pas tout, évidemment, puisque personne n'a compris tout des cours de Mauss. C'est un phénomène célèbre. Et Mauss, par contre, s'intéresse beaucoup à la technologie, aux techniques. Il dédie un grand chapitre dans son manuel d'ethnologie sur les techniques. Leroy Gourhan n'est pas d'accord avec l'approche de Marcel Mauss qu'il considère trop socialisante et pas assez technologue. De même, Marcel Mauss n'a pas toujours des mots tendres envers son élève. Il le laisse de côté à l'écart et il prend plutôt comme héritier celui qui sera un très grand technologue par ailleurs, qui est André-Georges Audricourt. Leroy Gourhan est un inlassable classificateur de fiches. En 1938, il pense à une machine pour caractériser le système de classement de ses fiches, d'ailleurs, et qu'il est en train d'élaborer. Ce sera ensuite des fiches perforées. Oui, Leroy Gourhan donc là hérite effectivement de Paul Rivet et de Marcel Mauss une conception de la fiche comme l'objet par excellence qui traduit en écrit la réalité concrète des objets que collectent quelqu'un pour l'amener dans un musée. Donc, dans la première partie de sa carrière, Leroy Gourhan est aussi dans cette logique de boîte à fiches qui est celle de Marcel Mauss. D'ailleurs, Marcel Mauss, justement, va, dans le testament qu'il écrit en 1940, lègue des livres à des affections à certains de ses élèves, Lévi-Strauss, Denis Paulm, et il va dédier à Leroy Gourhan le meuble à fiches métallique pour que Leroy Gourhan puisse perpétuer cette tradition. Alors, les fiches ont joué un rôle cognitif assez complexe, puisque d'une part, elles condensent un certain élément d'information que l'on s'imagine être épuré et donc objectif. Elles sont expandables à l'infini, puisqu'il suffit d'ajouter des fiches et accumuler des fiches, et donc on accumule les données. Et Leroy Gourhan, avec fausse modestie, j'ai écrit ce livre seulement sur la base de 45 000 fiches, j'aurais pu en avoir plus. Et donc, ça va devenir très vite une espèce de contrainte positiviste de laquelle Leroy Gourhan va se libérer en grande partie après-guerre dans sa rencontre avec Henri Bergson. Nathan Changer, justement, en quoi Leroy Gourhan est-il aussi bergsonien? Que puisse-t-il dans la pensée du philosophe? Voilà, alors Bergson est, pendant la première moitié du XXe siècle, le grand philosophe français. Il fait partie du mobilier intellectuel national. Et Leroy Gourhan, probablement, le rencontre lorsqu'il est au Japon, hein, puisque Leroy Gourhan passe 2 ans au Japon, de 1937 à 39, et il enseigne la civilisation française à des élèves japonais à Kyoto. Et c'est dans ce contexte-là qu'il fait des lectures et des présentations de divers philosophes français, dont Henri Bergson. Et ce qu'il intéresse chez Bergson, c'est d'une part les travaux sur le temps, la temporalité et surtout l'évolution créatrice de 1907 de Bergson, et enfin le livre qu'écrit Bergson par la suite, Les deux sources de la morale et de la religion. Publié en 1930. Publié en 1932. Et dans cette... De cette gamme de propositions de Bergson, ce que retient Leroy Gourhan en premier, c'est la notion de tendance et de fait. Les tendances qui se développent de façon plus ou moins rectiligne et qui caractérisent la force immanente des choses, et les faits qui sont particuliers et distinctifs à chaque milieu social ou milieu environnemental dans lequel ils se déploient. Derrière cette notion de tendance et fait va se situer un autre concept métaphysique, qui est celui de l'élan vital. Et Leroy Gourhan, alors qu'il va abandonner dans les années 50 la notion de tendance et fait, va toute sa vie durant, et évidemment dans les gestes et la parole, garder de façon sous-jacente l'idée de cet élan qui s'appuie sur le passé pour avancer vers l'avenir, l'élan vital. Alors la tendance et le fait sont bien sûr deux notions tout à fait capitales pour Leroy Gourhan. La tendance serait à la nature en opposition probablement au fait qui serait lié au milieu dans lequel il est produit, c'est ça ? C'est un peu, voilà, c'est la distinction, la déclinaison que donne Leroy Gourhan avec l'exemple classique du propulseur, donc la tendance à propulser qui va se décliner dans différentes manières en fonction des aires géographiques plus ou moins spécifiques, jusqu'à en arriver à cette autre notion importante qui est celle de l'ethnie, qui imprime son caractère, sa personnalité sur les objets, sur les outils, les instruments qu'elle utilise. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Nathan Changer, Leroy Gourhan reprend aussi à Bergson l'idée d'Homo Faber. En 1943, André Leroy Gourhan lance Homo Faber en opposition à Homo Sapiens. Il tentera toutefois ultérieurement de corriger cette opposition et notamment cette vision de l'Homo Faber, l'homme qui fabrique. Absolument. L'Homo Faber a une histoire extrêmement complexe dans les sciences humaines, les philosophies du XXe siècle, inventée par Henri Bergson en 1907. Bergson, donc, qui est professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France, donc il sait de quoi il parle quand il invente cette notion d'Homo Faber. Et Bergson sème la confusion, un peu délibérément, entre l'espèce taxonomique, donc avec le système binominal Homo Faber, Homo Sapiens, Homo Erectus, Homo Habilis, et ainsi de suite, et l'entité philosophique qui est l'homme qui fabrique. Pour Henri Bergson, c'est la fabrication, le geste de fabrication, l'acte de fabrication, qui est le caractéristique de l'homme. Si nous dépouillons de tout orgueil, je cite par mémoire, nous devrons nous appeler non pas Homo sapiens, mais Homo faber, parce que c'est l'acte fabricateur qui est notre propre. Ensuite, au courant des années 30, une confusion qui réduit la notion d'Homo faber à une réalité taxonomique. Et donc on s'imagine que l'on va chercher, on va trouver, si pas des vestiges ostéologiques, du moins des traces matérielles d'outils que l'on désignerait comme les outils de l'Homo faber, à la distinction d'autres outils de l'Homo sapiens. Et cette erreur conceptuelle va faire une stratigraphie, une stratification des étapes. D'abord, nous étions faber, puis nous sommes devenus sapiens. Et c'est la thèse que maintient encore André Leroy-Gourhan en 1943. Il va l'abandonner très vite, dans les années 50. Et l'abandon de cette thèse, et les prémices en sont déjà établies en 43, quand il dit « nous n'avons rien des silex taillés ». Nous ne pouvons pas comprendre ces silex taillés qui sont les traces matérielles de l'Homo faber. Nous sommes inintelligibles. En 1950, ou 49-50, il découvre, grâce aux expériences de taille de Léon Coutier et de François Borde, que l'on est capable de reconstruire et de comprendre l'enchaînement de production des silex taillés. Et du coup, il se dit, voilà, suivre les gestes éclat par éclat, c'est reconstruire une part mentale du fabricant. Et donc, il est capable, désormais, à partir de 1950, un moment clé qui bascule, il est capable de dire que non, les outils les plus frustes, les plus simples, sont en vérité les actes de production d'une activité technique intelligente. En parallèle, quelle sera l'influence de Teilhard de Chardin sur le chercheur ? L'influence est plus tardive, puisque je crois que Leroy-Gourhan a peut-être rencontré personnellement Teilhard de Chardin avant sa mort en 1955, mais c'est surtout avec la publication du phénomène humain de Teilhard de Chardin que l'idée du philosophe, le jésuite, paléontologue et philosophe se répand pendant une dizaine, quinzaine d'années dans les sciences humaines et sociales. Ce que Leroy-Gourhan retient de Teilhard de Chardin, c'est pas nécessairement la notion du point oméga ou la noosphère, hein, qui sont des inventions, la noosphère, la biosphère, qui sont des inventions de Teilhard de Chardin. C'est plutôt l'idée que l'humain, la spécificité de l'humain, c'est d'être intégré dans la nature, d'une part, et d'autre part, Leroy-Gourhan s'appuie sur Teilhard de Chardin pour avoir une vision positive de la technologie. Les techniques sont ancrées dans la nature et sont un acte divin. Et nous poursuivons cet acte divin, même si nos techniques parfois causent des problèmes, des enjeux d'adaptation, société, économie, environnement, c'est toujours le bon chemin à suivre. Leroy-Gourhan, c'est une recherche buissonnante, éclectique. On y combine plusieurs sciences humaines et sociales, touche à l'ethnographie, mais aussi à la biologie, l'archéologie. Il croise, mais aussi amalgame les données, une sorte de bougeotte intellectuelle en quelque sorte. Absolument. Ça se réfère à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'indiscipline, l'éclectisme de Leroy-Gourhan. J'ai dit, c'est sa force et sa faiblesse. Ça lui permet de sauter d'un domaine à un autre, d'y revenir 20 ans plus tard avec une conception très différente. Et ça lui permet aussi d'accepter et de tolérer les contradictions dans ses propres approches. En même temps qu'il est bergsonien et teilhardien, il va aussi s'intéresser, par exemple, à la cybernétique. Il va écrire un article très intéressant où il va justement montrer comment les outils de silex peuvent être compris comme l'acte de rationalité de l'homme préhistorique. Il va aussi être adepte d'une certaine forme de behaviorisme, puisqu'il va, en 1950, l'année clé, je l'ai dit à plusieurs reprises, il va pour la première fois utiliser la notion de comportement. La notion de comportement qui était d'abord utilisée en biologie, principalement par Henri Pierron, il va l'introduire dans les sciences humaines, l'introduire dans la technologie. Il va dire que la raison d'être de l'étude des techniques, ce n'est plus l'étude de l'objet qui va être fiché et exposé dans un musée, mais c'est l'étude du comportement, de l'activité et donc du geste. Il est avant tout l'inventeur de la technologie avec deux ouvrages, Évolution et technique et Le geste et la parole. La technologie en tant qu'activité matérielle créative ? Oui, effectivement. Le roi Gouran est l'inventeur de la, le réinventeur de la technologie, hein, puisque le concept même de technique comme l'étude des sciences, l'étude des techniques dans les sciences humaines et sociales, on le retrace à Alfred Espinasse, on le retrace à Marcel Mauss. Le roi Gouran va faire table rase et reprendre sur des nouvelles bases. Un article assez intéressant de 1949, il dit la technologie n'a rien à voir avec les sciences sociales. La technologie, c'est de la biologie, de la paléontologie. Et donc, il cherche des moyens pour démarquer, pour expliquer en quoi la technologie doit être présente dans le champ de recherche. Il est rejoint en ce sens-là, avec une attitude différente donc par André-Georges Audricourt, que l'on a mentionné tout à l'heure. Et il est tout à fait, André-Laurent Gouran est tout à fait à l'origine, quand même, le père fondateur du courant de la technologie culturelle ou de l'anthropologie des techniques que l'on connaît aujourd'hui avec de nombreux acteurs et chercheurs. Alors, ce qui est très intéressant, Nathan Changer, c'est que André-Laurent Gouran va passer des civilisations matérielles ethnographiques à celle de la préhistoire, donc dans une perspective peut-être plus historique, plus évolutive. Oui, absolument. Les premiers intérêts que le roi Gouran présente pour les techniques et pour les objets, donc j'ai expliqué dans les années 30, découlent de ses intérêts pour le monde muséal. À partir de son arrivée à Lyon en 44, il va basculer vers l'archéologie préhistorique. Et c'est là qu'il va commencer à chercher la technicité, cette notion de technicité, la remontée la plus en amont dans le temps. L'homo faber, on l'a dit, va être introduit dans ce cycle. Et aussi la remontée vers le monde animal. Et c'est dans ce sens-là qu'il crée une large panoplie d'approches vers le monde technique. Retrouvons André Laurent Gouran dans une archive de France Culture datée de 1973. En réalité, ça a commencé vers 12 ans. J'avais un grand-père qui était naturaliste amateur et j'ai parcouru les grottes et les rochers de la forêt de Fontainebleau pendant plusieurs années avec ses vieux amis qui étaient les membres de la Société des naturalistes de la Vallée du Loing. Et c'est là que qu'a commencé à s'esquisser mon goût pour la préhistoire, pour le passé. Et mes études se sont orientées dans un sens tout à fait différent, puisque j'envisageais à l'époque de faire la carrière consulaire et qui m'avait été conseillé de faire du chinois et du russe pour m'armer dans ce genre de cas d'existence. J'ai quand même fait le certificat d'ethnologie qui venait d'être créé à la Sorbonne en 1932 ou 1933, et j'ai transformé mon armement linguistique en un outil de recherche. Je me suis intéressé à ce moment-là aux populations de la Sibérie, qui étaient accessibles à travers la langue russe, et de la Mongolie et de la Chine, qui étaient accessibles à travers le chinois. C'est un peu comme ça que je suis devenu ethnologue, quoique je ne me sois pas servi d'une façon considérable de ces atouts dans le déroulement de ma carrière. C'est la fin de la guerre qui a marqué ma dernière orientation. Je me suis trouvé, après la libération, nommé professeur d'ethnologie à l'Université de Lyon. Et un peu par nostalgie des maquis que j'avais fréquentés, j'ai rassemblé les quelques étudiants que j'avais et je voulais leur donner une expérience de terrain. Une expérience de terrain, ça n'était réalisable avec les moyens financiers dont disposait l'enseignement universitaire que sur le territoire métropolitain, car il m'aurait été impossible d'emmener une douzaine d'étudiants et de payer leurs frais de voyage. De sorte que je me suis tourné à la fois vers l'ethnologie et vers la préhistoire française, ce qui a constitué peut-être le meilleur instrument de formation dont pouvait disposer de jeunes ethnologues, en leur dictant une première prise de conscience de leur propre réalité ethnique. Alors pendant presque une vingtaine d'années, j'ai promené chaque année un groupe dans une enquête qui se déroulait tantôt en Normandie, tantôt en Bretagne, tantôt en Auvergne. Voilà en gros quel a été le déroulement de mon activité au cours de ces 30 dernières années. Dans une approche du comportement opératoire, Leroy Gourand envisage la chaîne opératoire, un concept repris par tous les préhistoriens français et étrangers. La technique est à la fois geste et outil, organisée en chaîne par une véritable syntaxe qui donne aux séries opératoires à la fois leur souplesse et leur fixité, écrit-il en 1965. Tout à fait. Leroy Gourand est reconnu comme le père de cette notion de chaîne opératoire. Quand on creuse un peu plus l'idée, on voit que la notion d'enchaînement organique, la suivi des gestes, est tout à fait présente chez Marcel Mauss et donc fait partie de son enseignement. D'autre part, quand Leroy Gourand affirme ces notions au début des années 50, étonnamment, sa première source de référence, c'est l'éthologie animale. C'est le comportement des abeilles, des guêpes, qui pratiquent des étapes successives dans la construction de leur nid, et il suit directement l'enseignement du psychologue Henri Pierron dans ce domaine. Par la suite, cette notion de chaîne opératoire va avoir une déclinaison ethnographique et va être, elle, reprise par nombre de ses élèves dans le groupe Technique et Culture, et depuis va retourner vers l'archéologie préhistorique, et désormais, évidemment, est présent dans la littérature anglo-saxonne en français et en italique. La pensée de Leroy Gourand a très largement été reprise. En cela, il a fait école. Curieusement, l'archéologie et l'anthropologie américaine, plus conceptuelle que la nôtre, s'est peu imprégnée de celui-ci. Oui, longtemps, l'archéologie anglo-saxonne regardait les questions d'art pariétal et les fouilles archéologiques à Pincevent. Le geste et la parole n'a été traduit qu'en 1993, donc 30 ans après leur parution. Toujours est-il que désormais, Leroy Gourand est connu du monde anglo-saxon, surtout dans ce volet philosophique, suite aux lectures qu'ont fait du geste et la parole Jacques Derrida, puis Gilles Deleuze, puis Roland Barthes et Bernard Stiegler, et ainsi de suite. Et donc, c'est intéressant désormais de nos jours de montrer comment Leroy Gourand et l'invention de la technologie par Leroy Gourand est en fin de compte un reflet de l'ensemble des réflexions, des activités, des préoccupations des sciences humaines et sociales du XXe siècle. Nathan Schlanger, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'invention de la technologie, une histoire intellectuelle avec André Leroy Gourand, bien sûr paru aux presses universitaires de France. Le site de Marie a été fouillé par Jean d'Ormesson, écrivait un étudiant dans sa copie de licence. Bien entendu, cela avait beaucoup plu à Jean Margueron, l'incontournable fouilleur de la grande cité mésopotamienne sur les rives syriennes de l'Euphrate. Habitué de notre magazine, Jean-Claude Margueron vient de nous quitter. Et nous lui rendons hommage. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Jean-Claude était le grand spécialiste de l'architecture de ces cités invisibles du troisième millénaire, mais avait aussi fouillé les villes de Larsa en Irak, Emar en Syrie, comme Ougarit sur les rives orientales de la Méditerranée. L'archéologie orientale lui doit beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Châtelus, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon, mais aussi de Joseph Julien et de Pierre Chabert. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.